Moi, vous êtes musicien? Vous faites, c'est en train d'enregistrer, je me dis. Ça enregistre bien ce truc-là? Un rasoir électrique. Très très bien, ouais. Vous êtes potier? Potier, ouais. C'est quoi comme poterie? Ça, c'est de la terre vernissée. Puis là, je me remets au grès à la porcelaine. Et ça, c'est de la terre vernissée. C'est cuit à mille. Bonjour. Et il y a les clients qui viennent me faire chier, là. Ah oui. Tu as récupéré tes croûtes? Mais là, ah, avec la pluie, non, je connais. Pas là. Non, je fais une interview. Ouais, pour la radio. Ah. Tu pousses ou tu tires, mais là ça sonne. D'accord. J'étais m'acheter des vinyles à 2,50€. Il y a un mec qui brade là, c'est une boutique. Ça, c'est du rock, ça, c'est souvenir de jeunesse. Il y a Owen Shorter. Ça, c'est Philippe Catherine avec Charlie Mariano, saxophoniste. Là. Ah, mais c'est pas loin d'ici que tu l'as pris. Ça, c'est de l'autre côté. Oui. C'est Ozan Yamamoto qui joue. C'est du... musique japonaise. Ça, c'est... Oui, je suis content de Mick Jackson avec un saxophoniste qu'il y a longtemps que je cherche de lui, Teddy Edwards. Bon, je fais l'interview, monsieur. Oui, oui, après, bon. Je le vire. Et après, je ferme ma clé, je vais faire la sieste. T'as vu, il y a... Bon, bye bye. À bientôt. Au revoir. Ouais, il est explosé là, novembre-décembre. J'en ai vendu deux, quand même. J'étais content de lui en vendre deux. C'est fait 4 sous. Ouais, enfin bon, l'art, c'est vieux comme le monde. Les jeunes artistes font du concept, alors que le concept de l'art moderne, c'est les potiers qui l'ont inventé il y a 10 000 ans exactement. 10 000 ans. 10 000 ans. Et ouais, on dit que l'homme moderne, il commence avec la céramique il y a 10 000 ans. C'est les premières céramiques qui ont été cuites, ça remonte à 10 000 ans. Et 10 000 ans, c'est l'époque où l'homme s'est installé, arrêté de courir après les marcassins, il a élevé les marcassins. C'est-à-dire c'est le début de l'homme moderne, c'est 10 000 ans. Et c'est exactement en même temps que la céramique. Pour vous, faire de la céramique, c'est de l'art? Ah bah oui. C'est pas de l'artisanat? Oui, enfin bon, on est en France, hein, c'est normal, on est dans un pays de cons, notamment à Toulouse. Mais tu vas au Japon, moi au Japon, on me cirerait les pompes dehors, à Toulouse, on, mmh. j'existe même pas, quoi. Mais bon, ça c'est une histoire de culture. Hein. Et ouais. La culture dans le sud-ouest, parlons-en. Bah, ce qui est bien au niveau ici, à Toulouse, en culture, c'est la musique. Bah, à Toulouse, c'est un peu, ouais, c'est gouverné par des grosses familles du 19e siècle, et puis voilà. Et puis c'est, Toulouse a commencé à se réveiller dans les années 80, tout le sud-ouest, hein, tout le sud-ouest. Parce que moi, dans ma génération, les années 60-70, quand on allait en vacances l'été, tous les festivals, c'était le sud-est de la France. Mmh. Le sud-ouest, c'était vraiment protégé, paysan, tranquille, rien, pas de festival. Bon, maintenant, il y a plein de trucs, mais il y a eu un décalage de 20 ans à un moment donné, quoi. Que à Toulouse, moi ça va, je fais de la musique, alors ça va, je me plains pas, mais autrement, peinture, tout ça, mais... C'est le saxophone. Les arts plastiques, ouais, moi je suis saxophoniste, hein. Flûtiste et saxophoniste. Flûtiste, saxophoniste. Et là, ça enregistre ton truc, là. Eh ouais. Et je vais passer où, à Radio Montpaïs? Radio Montpaïs. Vous faites des... Vous êtes potier depuis combien de temps? Depuis l'âge de 15 ans, c'est-à-dire j'ai commencé en 1970 à apprendre. Donc ça fait longtemps que j'en fais. Très longtemps, mais bon, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, c'est comme si je commençais, parce que j'ai un four à air pulsé qui monte à 1300 qui ne marche pas. Mmh. Du coup, j'ai plus de four quasiment. Pour faire du grès, la porcelaine à 1300, c'est très, très compliqué. La porcelaine, c'est une... C'est une terre blanche qui monte à 1300. C'est ça, la différence des céramiques, c'est 1300 le grès, la porcelaine. Mmh. Et tout ce qui est le reste, c'est tout 1000, les briques, la faïence, la terre vernissée, le racou, tout ça, c'est autour de 1000 degrés, quoi. Et le grès, c'est 300 degrés plus haut. C'est beaucoup plus solide. Oui. Beaucoup, beaucoup plus solide. Parce que les cristaux se fondent entre eux. Et... Ouais, ça, ouais, c'est ça. Ouais. Et les terres de faïence, elles fondent, elles. Par contre, à 1100, 1200, elles fondent, mais complètement. Arrivées à 1300, elles sont fondues complètement. Toutes les terres de la région qui sont les terres de faïence, ici, autour de Toulouse. Les briques, là, vous mettez une brique à 1000 degrés, ça va. 1300, c'est de la mousse au chocolat. Ah ouais. Ouais, ouais. Et la céramique, en fait, on met... Mais quelque chose par-dessus la terre. Oh, après, c'est compliqué. Je ne peux même pas imaginer comme c'est compliqué. Enfin, il y a plein de techniques différentes, quoi. On trempe, non? Ah, il y a plein de techniques. Il y a plein de techniques, mais tout est précis. Tout est simple et tout est très précis, quoi, en céramique. Et on ne peut pas se mélanger les pinceaux, quoi. Les trucs qui ont à telle température, dans tel type de cuisson, s'il y a de l'air dans le four ou pas. Mmh. Les épaisseurs des engobes, l'épaisseur de l'émail, la fabrication de l'émail, tout. Bah, effectivement, moi j'en rate, mais des wagons, quoi. Mais bon, ça fait partie de... Bon, en plus, moi je travaille comme ça, quoi. J'aime bien expérimenter, donc je m'amuse, mais j'en rate. Mais bon, je prends des risques, je m'amuse, quoi. Je pourrais faire toujours la même chose, comme les trois quarts des potiers, hein, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils font un truc au point, puis après, ils ne bougent plus. Hein. Alors, par contre, des fois, je prends des claques. En ce moment, c'est cuisson catastrophe, en ce moment. Mais bon. La différence entre les trois matières que vous travaillez, la terre vernissée. La faïence, c'est 1000 degrés, ça. 1000 degrés. 1040, ouais. Ouais, ce qu'il y a dessus qui donne la couleur. Et, ça, c'est de l'émail. C'est de l'émail. Ouais. Alors il y a la terre rouge d'abord, après on met une terre blanche par-dessus. Oui. Après moi je fais beaucoup de dessins, des décors avec des oxydes. Ah ouais, des oxydes. Des oxydes, ah ouais. Des colorants, quelques colorants, mais surtout des oxydes. Là il y a du cuivre, du cobalt, du manganèse. Ça ressort pas après la cuisson comme c'est quand on les place, si? Ah, rien à voir. Ouais, rien à voir. Ouais, le cobalt il est gris, le cuivre il est gris, le manganèse il est gris, puis à la sortie ça fait du bleu, du vert et du violet. Quoi. Ça j'adore. Ouais, ouais. Puis ça dépend de quel type de cuisson et de quel type d'émail. C'est très compliqué. Ouais. Le cuivre, on peut faire du bleu, on peut faire du transparent, on peut faire du rouge, on peut faire du vert, du bleu. On peut faire toutes les couleurs avec du cuivre. Ça dépend selon des cuissons. Des températures et du mode de cuisson. Et de l'émail. C'est très très compliqué. Et très sensible. D'une sensibilité infernale. Quoi. Non, c'est pas... La terre vernissée, c'est pas trop compliqué, mais le reste, non, c'est pas... Du grès, c'est ça. On voit pas la différence, mais c'est cuit beaucoup plus haut. Et les émonces, les fabriques nous-mêmes. C'est-à-dire que tu achètes du feldspath, du kaolin, de la silice. Mmh. Et là, tu mets des dosages très précis. Alors là, c'est carrément au quart de gramme près. Et là, je travaille chez un vieux monsieur. Là, on est passé à l'émission de télé occitane aussi, parce que lui, il parle occitan. Il y a une émission de télé occitane? Ouais, le dimanche à 11h, je crois, ou 11h15. Où ça? Sur la 3. Ah, la 3. Ouais. Je crois que c'est sur la 3. Et lui, j'ai amené les journalistes chez mon copain qui parle occitan, là, et au lieu de faire 3 minutes, ils ont fait 12 minutes de reportage sur lui. Il est passé 2 dimanches d'affilée. Et il repasse plus régulièrement. Parce que lui, il fait que des. C'est lui, chez lui que je fais les gros vases qui font 1,50 m, là. Des trucs énormes, là. Et ça, c'est. Ah ouais. il faut avoir un four énorme. Bah lui, il a une usine. Lui, c'est vraiment un vieux du coin. Il a carrément une usine qui fait 1500 mètres carrés. Il est à la retraite. Et quand l'émission était très bien, c'est repassé plusieurs fois. Là. Et Lance de la... Lance qui est là, bah oui. C'est pareil. C'est un bout de terre qui doit faire au moins 10 kilos. Hein. Le pichet, Lance du pichet. Ouais, le pichet, il doit faire 150 kilos, celui-là, au moins. Lui, il a des élévateurs, il a des fours qui font 10 mètres cubes, enfin c'est énorme quoi. Il a des presses, il a du matos. Et les fours, ils fonctionnent à quoi? Électricité, bois? Électricité, bois, gaz, l'huile on a au fuel, les gros vases là ils ont été cuits au fuel par exemple. En général c'est gaz ou électricité quoi. Ou les fours à bois pour ceux qui ont la chance d'être à la campagne. Mais comme moi je suis un fils de paysan, je préfère être en ville, je suis un néo-urbain. Les néo-ruraux, les néo-urbains. Ce qui fait que je suis emmerdé, parce qu'en ville, c'est pas pratique d'être pyromane en ville, c'est pas évident. Et c'est de la rame où je rêve. Où non, ça. C'est pas fait exprès. Ah mais non, ça n'est pas. De quoi? Non, mais j'ai cru. Ah, les graphiques, bon, ouais, ça ressemble beaucoup. Les potiers, ils ont sûrement participé à l'invention de l'écriture. Oh là. Oui, ça c'est des petits signes. Ouais, je croyais vraiment que c'était de la rame. La plus vieille bibliothèque qui est sous les sables à Babylone, c'est sur de l'argile. Hein. Ah mais oui. Et ouais, tablettes. Oui, les tablettes, c'est plein d'argile. Hein. Grâce à l'argile, on a des documents qui sont très très très anciens. Ouais, des bols aplatis, ouais. Que tu regardes là-bas, non? Ouais. C'est des bols que je m'amuse à aplatir pour les recoller sur des peintures. Alors là, il y a un truc que je peux dire quand même. Oui. Profiter des ondes. Allez-y. Parce que quand même, ça fait 23 ans que je suis installé au quartier des Carmes. Ça fait 23 ans que je vais au marché des Carmes. Oui. Ça fait 23 ans que je vais à l'épicerie du quartier, faire mes petites courses, au boulanger et tout. Eh bien, je n'ai jamais vendu une poterie à un commerçant du quartier. Jamais. Il faut le faire, quand même. Enfin, bref. Autre sujet. C'est pas vrai. Il y en a un chemin qui passe, qui fait, tiens, je vais prendre un petit truc, si c'est un petit masque. Puis des gens à qui j'achète des légumes depuis 20 ans. Hein. Non, mais j'ai mes clients. Hein. Moi, je me démerde, ça va, je suis autonome. Ouais, mais il y a des gens bizarres, quand même. Mais je vends beaucoup plus à l'extérieur de Toulouse que dans mon atelier, quoi. Ouais, donc des bols aplatis pour intégrer sur des tableaux. Oui, bah ça c'est manière d'inventer quelque chose, de bol plat. Et alors voilà, ça c'est du concept. Ça c'est du concept. Et oui, vous aviez l'air d'avoir quelque chose contre le concept tout à l'heure. Pas grand chose contre le concept, j'ai quelque chose à voir contre les instances culturelles, soi-disant, qui se partagent le fric entre copains. Ah. Ceux-là, j'ai du mal avec eux, je dois pas être le seul. Bon, je m'en fous, c'est les puces, c'est la braderie, j'ai acheté des disques à 2 euros, je suis très content. Musique japonaise, One Shutter, Mahavishnu Orchestra, Rebron, tout ça pour 2,50 euros, c'est super. Quand je serai grand, je ferai... De la culture avec papa. De la culture comme papa. Parce que je suis fils de paysan, moi, c'est pour ça, c'est un tracteur. Là. J'ai été élevé sur un tracteur. Moi, j'ai bien aimé ce qu'il y a écrit là. C'est du Picasso qui... Le jazz, c'est du Picasso qui réveille les voisins, et je raille le R de réveil, ça donne le jazz, c'est du Picasso qui éveille les voisins. Parce que ici dans le quartier, alors là, moi, ça fait 20 ans que j'ai une discothèque fabuleuse de jazz ici, et j'écoute assez fort la musique en général. Et régulièrement, il y a des bourgeoises qui s'arrêtent, qui me disent « Ah, c'est marrant, j'aime pas le jazz, j'ai horreur de ça, mais à chaque fois que je passe devant chez vous, c'est super, comment ça se fait ?» Et voilà, bon, bah, c'est la culture, hein, c'est comme ça. Hein. Alors les jeunes, ils écoutent tous du rock révolutionnaire, en fait, c'est de la variété de troisième zone, de chansonnettes et tout. Merci. Mais par contre, Charlie Mingus, ils n'ont jamais entendu parler. Parce que moi, j'ai fait de la radio à Toulouse, à Éphémère, au tout début, en 81. Oui, c'est pour ça que vous parliez d'Éphémère tout à l'heure. Bah, au début, c'était super, quoi. Puis bon, très vite, ça a été... c'était l'enculade, quoi. Éphémère, ça fait 10 ans que j'ai pas écouté, quoi. C'est rock'n'roll, variété, c'est nul, quoi. Au départ, il y avait tout, il y avait la musique contemporaine, il y avait des punks, il y avait du jazz, il y avait des intellos, il y avait de tout. Mais ça changeait toutes les heures pratiquement. Ouais. Maintenant, c'est uniforme. Voilà, toutes les radios, hein. Et encore en ville, il y a des bonnes radios à Toulouse. Parce que maintenant, les radios, enfin, encore à Toulouse, ça va, mais vous allez dans les petites campagnes, c'est Europe numéro 1, en pire mauvais goût général. Alors maintenant, on s'étonne que les gens, ils sont incultes. Mais bon, on va voir ce qu'on leur fait bouffer, quoi. Voilà. Ouais, et les radios libres, au départ, c'était justement pour sortir de cette merde. Et seulement, les radiolés se sont fait bouffer par leurs petits chefs respectifs. Mmh. Et puis voilà, on est retombé dans la même consommation. Mmh. Écouter les négresses vertes, Manu Chao et des conneries de merde pareil, là. La musique militaire, quoi. Ouais. Les négresses vertes, c'est la musique militaire. Ne venez pas casser ma vitrine, s'il vous plaît. Ah oui, comment vous appelez-vous? Basile Potier à Toulouse, rue des Paradoux depuis 1984, maison sérieuse. Voilà. Tu veux que je te joue un coup de saxophone? Oui. Envie de faire. Charles, Charles, il y a un tableau en face de moi. Il y a Miles Davis. C'est marqué le souffle de Miles. Ouais. C'est énorme, non? Avec des bols. Avec quatre bols. Maintenant, chaque coin, des bols écrasés. Combien de quelles rues? 5 rue des Paradoux. Ah, je suis connu, hein, tout le monde connaît mon... Alors il y a des gens qui croient que c'est une boutique de poterie, mais bon, c'est pas une boutique, c'est un atelier, quoi. Un atelier. Ouais, ça, pas, atelier pas tout à fait la même chose. Non, c'est pas pareil. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'entrer. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Truc pas mal. En fouillant, il y en a des... Pas mal, quand même. Bah voilà. Ok. Bah, merci. Sur la panne et bien tu t'en iras là. Ben tout de même, moi je ne voudrais pas monter pour un bonhomme mandibulaire, on tape dans le tap. Permettez-moi vous parler de mon aventure avec la bande d'Ario. Trouve du travail ou pas de patron, viens dans la foule et tu t'iras là. Ben tout à l'heure, mon ami, sur la panne et bien tu t'en iras là. Tu ne peux pas pourtant, crois-moi bien, pas l'abri pour très longtemps, car dis-toi. Bah vous voyez, je vous l'avais dit, une patte en vous mouillez pour moi. Tout a débuté dans un petit bar au fond du port par une belle après-midi, oui. Pour avoir longtemps trop bavardé pour vos malins, pourtant vraiment on ne m'avait rien demandé. Tout n'est bon, car il y avait parole d'homme, une coupée, pas mal du tout. Le nom de moi, il y avait, ayant tout le temps lavé le dent pour deux mois, elle m'a demandé, mais dans mon petit, oui. Parlons de les nous balader, moi je voudrais, mais pas, tu n'en doutes pas. Pas tout trouveras, les gardiens dans la. Ouais, tu les verras te tirer une balle en dos. Pour le moment, c'est embêtant, car les voilà qui viennent d'entrer, fais donc fille par devant. Tu y as moins qu'un ton, puis pas de main de parlant. Et voilà comment les gars, pour l'amour d'une pépée, je dois tirer ton beau battant. Pardon, pardon, pardon, pardon, pardon. Pardon, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon. pas fini la tombe, te voilà répandu là. Voilà, voilà, prêt à abandonner tout prion pour Glorio comme toi. Pour une boîte pépé, oui, plein de 3 balles dans la peau. Pour une boîte pépé, oui, plein de 3 balles dans la peau. Bah, vous m'amenez pas. C'était donc deux frères. Deux frères qui étaient soldats du roi. L'aîné des deux frères était fort et courageux, il avait sur le poitrail plein de médailles qu'il avait gagnées pendant les batailles. Son cadet, lui, c'était un trouillard, un faiblard, dès qu'il entendait un coup de canon, il se cachait sous les feuilles mortes, derrière les vieux troncs. Or, le roi était vieux, il a décidé de ne plus faire la guerre. Il a demandé à ses ministres qu'on rassemble son armée, qu'on mette d'un côté les soldats les plus forts et les plus courageux, et de l'autre les soldats les plus faibles. Ceux-là, qu'on les renvoie chez eux, dit le roi. Mais pour les remercier de toutes ces années de guerre, je veux qu'on leur offre un petit morceau de pain et un bon bol de soupe. Et c'est ce qu'on fait. Les ministres mettent d'un côté les soldats les plus forts et les plus courageux pour les garder au palais, dans le royaume. Les trouillards, les faiblards, on les renvoie chez eux. Le cadet, le frère cadet, quand il arrive chez lui, son petit morceau de pain, son bon bol de soupe est avalé depuis longtemps, il a faim. Chez lui, c'est une cabane avec derrière un jardinet. Mais quand il entre chez lui, il n'y a que de la poussière, des toiles d'araignée, tout est sec. Il va dans son jardin, il n'y a que des herbes folles, du lierre, des ronces. Il se dit, il faut que je me mette à l'ouvrage. Alors, il prend chez lui la vieille veste de velours noir qu'il utilisait autrefois pour faire ses travaux des champs. Et au fond d'une poche, il découvre quelques graines de betteraves. Il se dit, je vais les semer, puis d'ici quelques mois, je pourrai manger de belles grosses betteraves. En attendant, je mangerai des châtaignes ou des glands. Il va dans le jardin, il arrache les herbes, le lierre, les ronces, il trace de beaux sillons bien droits, il sème ses graines, arrose, il a bien travaillé, il va se coucher. Il a bien dormi dans son lit depuis toutes ces années de guerre. Mais quand il se réveille, il se dit, je vais aller voir si dans mon jardin il n'y a pas une petite herbe qui aurait poussé et qui empêcherait mes graines de germer plus tard. Il descend jusqu'au jardin, il ouvre la porte, et là, en plein milieu du jardin, il y a une betterave grosse, comme si elle avait poussé pendant plusieurs mois en une seule nuit. Évidemment, il se précipite pour la ramasser, puis il se dit non, si je la laisse pousser encore une nuit, peut-être elle va grossir encore un peu. Alors il ferme la porte de son jardin, il va chez lui, et il fait tout le ménage, pour ne pas penser à sa faim, à sa betterave ou à son jardin. Le soir, il a bien travaillé, il va se coucher. Est-ce qu'il a bien dormi? En tout cas, quand il se réveille au matin, il se lève, s'habille, court au jardin, il ouvre la porte, et là, en plein milieu du jardin, la betterave est devenue grosse comme une citrouille. Il veut la ramasser, puis il se dit non. Si je la laisse pousser encore un peu, peut-être elle va grossir et je pourrai en manger pendant un mois et demi si je fais attention. Il ferme la porte, il va chez lui. Il refait tout le ménage, il n'y avait plus rien à faire, il refait tout. Il a bien travaillé, il va se coucher. Le lendemain matin, il se lève, il court jusqu'au jardin, il ouvre la porte. Et alors là, la betterave est devenue si grosse qu'elle est comme un carrosse, si grosse qu'elle commence à pousser les murs du jardin. Et quand il voit, lui, cette betterave si grosse, cette betterave extraordinaire, il se dit, cette betterave-là, elle n'est pas pour moi, elle est pour le roi. Il appelle ses voisins. Avec ses voisins, ils arrachent la betterave, ils la posent sur une charrette tirée par 30 bœufs et ils conduisent la betterave au château du roi. Justement, le roi était en réunion avec ses ministres. Quand le roi voit passer par la fenêtre le chargement, il demande « qu'est-ce que c'est ?» Les ministres regardent, s'interrogent, un rocher, une colline, le mont Saint-Michel propose quelqu'un. Quand il apprend, le roi, que c'est une betterave pour lui, il veut remercier le jeune frère. « Regardez comme il est habillé, dit le roi, qu'on lui apporte des vêtements, et on lui apporte des vêtements tout brodés d'or. Qu'on lui apporte un coffre, dit le roi, un coffre tout rempli de pierreries. » Il me reste un château au bord de l'eau, eh bien qu'on lui donne, dit le roi, et qu'on le fasse duc. Et quand le jeune frère a reçu tous ses présents, eh bien il va voir son frère aîné. Il lui raconte tout. Pour une betterave, dit le frère aîné. Pour une betterave? Des vêtements tout brodés d'or? pour une betterave, un coffre rempli de pierreries, un château au bord de l'eau, duc. Mais moi, j'aurais des vêtements tout en or. Moi, j'aurais 10 coffres remplis de pierreries, j'aurais 20 châteaux au bord de l'eau et je serais archiduc, parce que je ne vais pas offrir au roi une betterave, mais mon cheval blanc. Et là, je dois vous dire que le frère aîné avait le cheval le plus beau et le plus rapide de toute l'armée. Il prend son cheval et l'amène au palais du roi. Justement, le roi était en réunion avec ses ministres. Quand le roi apprend que ce cheval est le plus beau et le plus rapide de toute l'armée, il veut remercier le frère aîné. Qu'on lui apporte des vêtements. Non, dit le roi, pour un cheval, un coffre qu'on apporte un... Non, il faut autre chose. Est-ce qu'il me reste un château au bord de l'eau? Non, je pourrais le faire duc ou archiduc. Oh non, dit le roi, je sais qu'on lui apporte, vous savez, cette énorme betterave qu'on m'a offert l'autre jour. Thank you.